Chapitre 14e. Une idée de Pélussin. L'année vieillissante grelottait sous les brumes de novembre. Maussades et tardifs, les yeux gris du matin ne promettaient plus de joie aux pauvres hommes qui rouvrent les leurs en redemandant la vie. Les sempiternels troupeaux de nuages paissaient la froide humidité de la terre. Dans l'ennui du ciel bas, elles roulaient innombrablement, les nuées voyageuses, tantôt lentes et lourdes dans leurs toisons noirs, tantôt galopantes sous l'aigre fouet du vent, gonflées, semblait-il, des soucis et des chagrins qu'elles avaient aspirés sur les toits des villes, qu'elles allaient répandre au loin sur la communauté souffrante des créatures. Les semeuses de mélancolie séjournaient au-dessus de Josée. Elles coiffaient d'un voile perpétuel la recluse forestière, silencieuse maintenant, réengourdie dans sa torpeur hibernale. L'énergie de Peg ne parvenait plus à réveiller la maison des Stuarts. Il y fallait lutter contre l'assoupissement d'un trop long passé. La duchesse ne réussissait pas mieux à ranimer sa dolente amie. Madame Fianona traînait sa blessure dans la longue avenue des jours dont on n'attend rien. Qu'elle était loin, cette semaine de septembre où s'était fait entendre, toute proche et caressante sur des lèvres qui cherchaient les siennes, la voix enfin reconnue du bonheur toujours rêvé. Le bonheur s'était montré, mais pour dire ironiquement, on ne me saisit pas. Il était reparti comme un de ses invités de passage, venu à Josée pour y tuer quelques biches de la forêt. Les convenances avaient limité la visite du jeune officier à un petit nombre de jours. Durant ces jours trop courts, Millicent avait éprouvé le triomphal agrandissement de l'âme qui se sent devenir l'univers pour une autre âme. Entre elle et Louis, les confidences échangées sur le vivier s'étaient complétées. Le tendre lien s'était resserré à chacune de leurs rencontres. Ces entretiens leur avaient fait voir davantage qu'ils pouvaient s'enchanter réciproquement, qu'ils ne pouvaient pas s'appartenir, puisque l'amour naissant dans le cœur de la fière jeune femme luttait encore contre lui-même et ne se permettait qu'une seule forme d'espérance, l'engagement solennel où il signifie au ciel et aux hommes sa volonté de se perpétuer, de s'accomplir en d'autres vies continuatrices. Retombée dans sa solitude, Millicent se reprochait presque l'orgueil de ses résistances. N'avait-elle pas désespéré l'homme qu'elle eût voulu combler? Parfois, elle était tentée de reprocher à cet homme une résignation trop prompte. S'il l'eût aimée autant qu'il le disait, n'aurait-il pas accepté bravement la lutte avec la misère, refusé le sacrifice où elle s'immolait à d'égoïstes ambitions? N'était-il pas bien absolu dans sa défense contre les offres obligeantes de Robinson, dans sa répugnance à cet arrangement qui eût tout concilié, les grands intérêts de son avenir et les chers intérêts de leur amour? Millicent agitait ses pensées, et bientôt elle souriait amèrement de sa folie romanesque. Le courrier de Buenos Aires la rappelait aux implacables réalités de la vie. Procès perdus, créanciers ignorés qui se déclaraient et revendiquaient la maigre succession de son mari, ses idées revenues, impossibilité de vendre le fonds, toutes les nouvelles rendaient évidentes, même à des yeux inexpérimentés comme les siens, l'imminence d'une ruine totale. Du petit crédit ouvert à son nom dans une banque de Paris, il restait à peine de quoi se venir aux frais du voyage de retour, voyage qui la ramènerait à son odieuse, nécessaire et unique attache, sur cette plantation où la pitié des associés de Fianona donnerait à la veuve les moyens de subsister misérablement. Avant d'aimer, il fallait songer à vivre dans la détresse, sans espoir, sans autre but que de manger pour ne pas mourir. Elle se répétait ces vérités, plates et bêtes comme l'énoncé qu'on en fait, et pourtant plus tragiques dans leur banalité que toutes les horreurs imaginées par les dramaturges. Un jour, dans une belle réaction de vaillance qui succédait à une crise d'accablement, elle courut au petit salon de son amie et dit à Madame de Lauvrin qu'elle avait pris un parti. Elle priait la duchesse de l'aider à trouver des leçons de musique. Peg réprima un sourire. Elle détailla d'un regard la candeur des grands yeux de rêve, l'innocence enfantine du doux visage, l'élégante nonchalance de tout ce corps charmant. « Chérie, vous n'y pensez pas. Il me semble voir une libellule du vivier qui voudrait disputer leur grain aux fourmis. Vous jouez et vous chantez comme un ange, et vous ne sauriez ni donner, ni surtout solliciter des leçons. La nature vous a fait bijou de luxe, on ne se refait pas. » Agacée, Millicent frappa le parquet du pied. Et Peg sourit encore à l'idée que ce petit pied, sculpté dans la mule de satin pour les baisers de l'amour, voulait chausser les socs boueux, transir dans la neige aux longues attentes des omnibus. La pauvrette insista. Ne parliez-vous pas l'autre jour de ces femmes de chez vous, belles, délicates, élevées dans le luxe, qui vont éprouver leur énergie aux usines, qui s'y chargent des travaux les plus rebutants et montrent l'endurance des ouvrières professionnelles? Elles sont chez nous, dit l'américaine, d'un ton péremptoire où se trahissait l'orgueil conscient de la race. Mais pourquoi, ajouta-t-elle, cet entêtement à ne pas recourir aux services indirects d'Archibald? Tout lui est facile, et c'est vous qui l'obligeriez en lui donnant occasion de vous être utile. Je ne veux plus l'obliger, fit avec impatience Madame Fianona, et une pudeur d'âme l'empêcha de s'expliquer sur les nuances complexes, obscures pour elle-même, des appréhensions et des révoltes que cet ordre d'idées lui inspirait. Peg s'efforça de consoler son amie avec les paroles vagues dont on berce les enfants. Tout s'arrangerait, mais elle devrait promettre d'attendre, de ne pas quitter avant une embellie la maison où elle se savait aimée, où son départ ferait un vide cruel pour tous. Millicent promit, et elle alla s'entretenir une fois de plus avec ses confidents habituels, les hêtres et les chênes de la forêt. Elle leur savait gré d'avoir changé comme elle, depuis le jour où leurs bras ombreux versaient les bénédictions indulgentes, abritaient l'éclosion de la fleur d'amour, bras farouches maintenant, dans leur noire nudité, emmêlés sur le ciel crépusculaire, avec des contorsions de vieux magiciens qui conjurent les esprits des ténèbres, reflétés dans l'eau du vivier comme des racines spectrales, absurdement accrochées aux nuages dont cette eau réfléchissait les convois moroses. Ils continuaient de rouler sur la terre de France. D'aucuns allaient se briser au dôme des monts d'Auvergne. Ils y laissaient tomber dans un autre cœur inquiet les tristesses recueillies à Jossé. Tournoël avait touché barre à Paris pour y constater de nouveau le vif désir qu'on éprouvait de ne plus entendre parler de lui. Ne sachant que faire de sa liberté oisive, restreinte d'ailleurs par l'exiguïté de ses ressources, il était revenu au logis familial. Terré depuis 2 mois dans sa gorge d'Enval, il y tua le temps auprès d'une vieille parente, seule habitante de cet ermitage. Il dépensait là sa jeune force en courses solitaires, lorsqu'il avait poursuivi tout le jour quelques lièvres dans les châtaigneraies de la montagne. Le chasseur d'Empire raillait intérieurement sa déchéance. Voilà ce qu'elles étaient devenues, les randonnées conquérantes où il capturait des peuples ignorés. Et se comparant à ces cratères des pays où il marchait sur les laves refroidies. « Un vieux volcan éteint, comme ceci, » se disait-il avec mépris. La flamme y couvait, alimentée par les souvenirs de Jossé. L'Afrique occupait encore son esprit. Il eût protesté si on lui dit que la ruine de ses grands projets n'était plus son principal chagrin. Mais un nouveau rêve s'interposait entre son ancien but et sa volonté séduite. Il s'y complaisait. Il avait peine à s'en arracher pour revenir à l'autre. Telles, il s'en souvenait, les lâchetés physiques de certaines heures, après la marche dans la brousse, les oublis de soi-même à l'ombre d'un dôme ou dans l'eau délicieuse de la rivière Komodougou, alors qu'il ne pouvait se résoudre à en sortir, à reprendre la dure route. Pour la première fois de sa vie, un sentiment exclusif dominait sa pensée. Les entraînements légers de sa jeunesse n'avaient eu rien de comparable à l'adoration que lui inspirait Madame Fianona depuis qu'il s'était fait mieux connaître dans la douce intimité de Jossé. Autant que Millicent, il repoussait maintenant toute idée d'une aventure vulgaire. Il s'accoutumait à ne disposer de son avenir que par rapport à elle, comme d'un bien dont elle serait à jamais la maîtresse. Les longues lettres passionnées qu'il écrivait d'Enval redisaient ses assurances. Fidèle à sa promesse, Madame Fianona y répondait. Quelques billets brefs où les phrases avaient, comme son regard, des fuites soudaines. Créature de songe, habituée à traduire tous les sentiments dans le riche et vague langage de la musique, Millicent éprouvait une gêne invincible à les fixer sur le papier, avec les limitations précises et la rigidité des mots écrits. Ces billets laissaient deviner la situation chaque jour plus précaire, l'infortune plus irrémédiable. Généreusement, elle suppliait qu'on l'oubliât. Louis se révoltait contre cette demande et il était contraint de s'avouer que les chances de rapprochement entre eux diminuaient, allaient s'évanouir dans les projets fous qu'un amoureux fait sans y croire. arrêté de toutes parts, enfermé dans cette impasse de sa vie comme l'était au creux de la ravine pierreuse sa maison du bout du monde. Le jeune homme avait dans l'âme, lui aussi, le deuil de ces nuages livides qui cheminaient sans fin au bas d'un ciel sans clarté. Nomades pareils aux Touaregs qu'il avait parfois entourés de leurs litsam, les funèbres voiles noires dont ces caravaniers du désert masquent leur visage. Vers la fin de novembre, son journal lui apporta la nouvelle d'une crise ministérielle. Les chambres venaient de rentrer. Les députés se faisaient la main. Ils avaient culbuté leur souffre-douleur du dernier semestre. Tournoel lut ce fait divers en haussant les épaules. D'autres figurants allaient reprendre les mêmes rôles. Rien ne changerait dans le système. Rien à attendre pour l'avancement de son affaire personnelle. 8 jours plus tard, le journal donnait la liste du nouveau cabinet. Un nom retint l'attention de l'officier. Le portefeuille des colonies était échu à Pélussin, l'ancien sous-secrétaire d'État, l'homme qu'il avait accablé d'offres de services et de protestations d'amitié. L'imagination de Louis commença de travailler fiévreusement. Le surlendemain, un ami lui écrivait « Arrive, c'est le moment. Le nouveau ministre a déjà parlé de toi. Il désire te voir. J'ai tout lieu de croire que celui-ci veut enfin agir. » Cet avis acheva de troubler un cœur partagé entre le scepticisme et la confiance, d'autant plus perplexe qu'il n'osait pas rechercher au fond de lui-même le secret de ses désirs contradictoires. Voir se réaliser tout ce qu'il avait ardemment souhaité, recouvrer sa liberté d'action, repartir, mais le souhaitait-il encore aussi vivement? Repartir, s'éloigner d'elle pour jamais, sans doute? Avant d'avoir assuré de quelque façon l'avenir de cet amour qu'il jugeait impossible et qu'il voulait qu'il fût possible, qu'il le serait malgré tout, sans quoi rien ne lui serait plus de rien. Il prit 20 résolutions différentes. Le soir venu, confus de se retrouver si peu semblable à soi-même, il redevint l'homme de rapide décision qu'il avait toujours été dans les circonstances difficiles. Tout était préférable à la stagnation mortelle où il languissait. Toute réaction énergique serait la bienvenue. Le lendemain, il montait à Rion dans le train de Paris. 2 heures après son arrivée, il se faisait annoncer chez le ministre. Pélussin vint à lui les mains tendues avec un sourire mielleux sur sa face rougeaude, luisante. Ce ministre était un Toulousain gras. Cette face respirait une bonhomie surveillée par le regard faux des yeux finaux, de traquenard enterré dans un champ de pommes d'amour. « Enfin !» fit-il avec cet accent qu'ils exagèrent pour donner confiance. « Ce cher capitaine, je l'attendais. Pensez qu'il laissait pourrir une telle force. Mon bon Tournoel, si nous voulons réparer leur sottise, nous n'avons pas une minute à perdre. Ont-ils assez gâché nos affaires? Jugez-en, que je vous conte ce qu'ils ont fait de mon œuvre africaine. Et je peux bien dire aussi de la vôtre, vous aviez si bien compris mes idées. » Cette désinvolte interversion des rôles provoqua chez l'auditeur un léger haut-le-corps de surprise. Mais il laissa couler le torrent. Longuement, violemment, l'homme d'État instruisit le procès des gâcheurs qu'il remplaçait. Ignorance, pusillanimité, abandon de l'expansion coloniale. Conclusion, dit avec entrain l'officier, vous voulez reprendre la politique d'action, monsieur le ministre? Reprendre mes plans, tout ce programme que vous approuviez chaleureusement il y a 4 mois? « Si je le veux, s'écria Pélussin, nous allons droit au fait. Vous me connaissez, je suis expéditif. Hélas, ils nous ont mis dans un tel pétrin qu'il faudra d'abord des tempéraments, de la prudence. Tout est à recommencer. La première phase de notre action devra être une habile préparation du terrain. » « Alors, interrompit Tournoel, d'une voix où le souffle court révélait un battement de cœur, alors vous n'estimez pas que je puisse repartir sur le champ? Non, et j'enrage. Il faut préparer le terrain, vous dis-je. Heureusement, j'ai une idée. » Elle m'est venue en lisant les rapports de notre agent à Tripoli, de nos informateurs dans l'extrême sud. Ils nous mandent qu'on leur signale des mouvements bizarres au Wadaï, au Darfour, dans toute la zone entre le Tchad et le Nil. Il se mijote là quelque chose. Plusieurs des grands cheikhs Senoussi, tous personnages considérables, voici la liste de leurs noms, ils vous sont familiers, ont quitté récemment le Soudan pour se rendre au Caire. Sur les mobiles de ce voyage concerté, nous en sommes réduits aux conjectures. Les Senoussi accréditent le bruit qu'ils vont consulter à l'université d'El Azhar, un des leurs. un ouléma dont les décisions font autorité. Manigance louche, mais nous pouvons tirer parti de cette réunion. J'ai décidé de vous dépêcher en mission au Caire. Mission secrète, bien entendu, confidentielle. Pour tout le monde, les médecins vous envoient cet hiver établir votre santé en Égypte. Vous vous aboucherez avec les Sénoussis. Ils vous connaissent, vous estiment, vous les reprendrez en main, vous saurez ce qu'ils ont dans le ventre. Vous préparerez avec eux votre rentrée au Wadaï. J'organiserai dans l'ombre de mon cabinet votre future expédition. Que dites-vous de mon idée, hein ? Les yeux futés du Gascon fixèrent sur Tournoël un regard innocent et rosse, ce regard à peine hypocrite qu'ils ont quand ils vous baillent une bonne galéjade. On y lisait. Vous ne croyez pas un mot de ce que je vous dis, moi non plus d'ailleurs, et je vous sers un méchant plat. Mais il est si bien présenté. Avalez-le, vous me ferez plaisir. Cela ne vaut-il pas mieux que de se fâcher, puisque vous n'aurez pas autre chose de moi ? Suffoqué d'abord, le capitaine avait vite compris. À la manière brutale, celui-ci substituait la manière joviale. Les deux avaient même objet, se débarrasser d'un fâcheux. Il dévisagea son homme, répondit sèchement. Monsieur le ministre, je n'insisterai pas sur ce qu'il y aurait de délicat, étant qui je suis, à m'avancer sur ce terrain brûlant de l'Égypte, à m'y faire surprendre en flagrant délit d'intrigue. Pourquoi ? Pour des palabres oiseux avec quelques Sénoussis fanatiques, nos ennemis nés. Voyons leurs noms. Il prit la liste. Des mendiants sans conséquence, la plupart. Je les connais et ils me connaissent. Mais ils ne me reconnaîtront que le jour où ils me verront chez eux, à la tête d'une colonne. Ce sont aussi, il appuya sur aussi, des temporisateurs. Traître toujours, souple devant la force, hautain et fermé devant la faiblesse. Et ce serait une faiblesse que j'irai leur montrer dans cet étrange rôle de touriste négociateur. Inutile de me déranger, je puis vous rapporter dès maintenant chacune des paroles menteuses que me diraient ces hommes. « Mauvaise tête !» reprit Pélussin, toujours souriant. « Vous n'avez pas bien saisi mon idée. Vous y réfléchirez, vous en apercevrez les côtés pratiques. Que diable ! Je fais pour vous tout le possible en ce moment. Voyons, ne suis-je pas un ami qui veut vous servir ? Je vous tire de l'inaction, je vous emploie où je puis. » On ne lésinera pas sur les frais de mission, et j'imagine que la chose a pour vous quelque importance. Croyez-moi, ne laissez pas l'aubaine à un autre. Partez, et prenez là-bas votre temps. Avec les Orientaux, il faut savoir perdre du temps. À ce compte, il y a beaucoup d'Orientaux en France, dit hardiment l'officier. Et pour marquer nettement son intention de couper court, il ajouta quelques phrases banales sur d'autres sujets, se leva, prit congé. Il sortit du cabinet ministériel, irrité contre lui-même, plus encore que contre Pélussin, irrité d'avoir cru un instant qu'il pourrait tirer de ce personnage autre chose qu'une pantalonnade. Sur le seuil du pavillon de Flore, entre les pacifiques lions de Quin qui gardent l'accès des colonies, Tournoël trouva Moucheron. Prévenu de l'arrivée du capitaine, le cordial garçon s'était mis aussitôt à la recherche de son héros. Émile paraissait aussi radieux que Louis était sombre. Ce dernier lui en fit la remarque après les premières effusions. « Vous avez la mine d'un gagnant de gros lot, Moucheron. On dirait qu'il vous est tombé une fortune. »« On dirait bien, » claironna joyeusement le journaliste. « Et d'où cela, bon Dieu ? D'où voulez-vous qu'une fortune tombe, sinon des poches de Robinson ?» Émile avait le bonheur très communicatif, et il continua, sans l'ombre d'une gêne. « Imaginez qu'il y a 15 jours, je ne savais plus où donner de la tête. » « Je puis bien vous conter tout, mon capitaine. Vous connaissez mes tribulations intimes. Vous y avez pris part en véritable ami. » Un matin, je reçois une lettre pressante de Célestine. La petite m'appelait là-bas, à l'observatoire. J'y cours, résigné à subir une scène. Ce fut pire. J'ai dû subir les caresses absurdes de Madame Moucheron. « Oh, oh » pensais-je, « il y a du dégât. » Je ne me trompais pas. Elle m'avoue une grosse dette. La vente des meubles, tout un patatras. 3 années de mon travail n'auraient pas suffi à boucher le trou. Et, ajouta-t-il en baissant la voix, j'avais ailleurs, au même moment, des charges imprévues. Je me donnais au diable. C'est la Providence qui est venue, d'Amérique, sous la figure du maître de la mer. Il arrivait à sa manière, comme un obus. On ne l'attendait pas. Vous savez qu'il est à Paris depuis 8 jours. Ah, fit Tournoël, monsieur Robinson est ici. Oui, et il nous revenait d'excellente humeur après son dernier exploit. Quel exploit ? On ne lit donc rien en Auvergne, cette grève monstre qui l'a apaisée. Les 125 000 ouvriers de leur trust de l'acier qui faisait rage tenaient en échec les forces fédérales. On désespérait de les réduire, quand Robinson est entré en scène comme un Jupiter tonnant. Il s'est substitué au pouvoir public, il a fait accepter un arbitrage, tout est rentré dans l'ordre à sa voix. 125 000 hommes, que sa volonté souveraine arme ou désarme en un clin d'œil. N'ai-je pas raison de dire qu'il est l'Alexandre moderne, le Napoléon, avec d'autres armées et un même pouvoir de remuer le monde? Mais je reviens à mon affaire. Il m'avait vu à l'œuvre au château, il avait lu ma notice. Sans me vanter, un diplômé de l'école des chartes ne ferait pas mieux. Je vais la présenter pour un concours à l'Académie des sciences morales. Robinson a compris enfin ce dont je suis capable. Puis la bonne duchesse lui a dit de moi tant de bien. Bref, il s'est décidé à me confier l'organisation et la direction de ce journal français, La Voix de l'Océan. Un traitement d'ambassadeur, y avant peu une influence, vous verrez. Naturellement, je la mets tout à votre service, cher capitaine. Grand merci et compliments, mon cher Émile. Comme vous dites cela froidement. Vrai, j'ai le cœur gros de vous voir toujours obnubilé quand je suis si gai. Croyez-moi, mon capitaine, tout s'arrange pour vous. Il me prend des envies de crier cette douce vérité à tous ces passants que nous croisons, qui s'en vont avec des museaux soucieux, embesogniers. Oui, j'ai pitié d'eux tous. Je voudrais leur dire, vous ne savez pas, frère, on se tire toujours d'affaire. Faites donc bon visage à la bonne vie. Et nos sœurs, qui trottent menues sur l'asphalte, regardez, elles sont toutes jolies ce matin, n'est-il pas vrai? Que leur faut-il de plus? Je voudrais faire un grand plaisir à chacune d'elles. Émile cligna de l'œil. Et leur dire aussi, « Vous verrez, petite sœur, ça ira mieux après, et vous rirez à la vie, jolie comme vous. » Tenez, il n'y a pas jusqu'à celui-là. Il montra du doigt un corbillard qui coupait leur route, chargé de son triste fardeau. À qui je crierais volontiers s'il m'entendait. Frère mort, ne te chagrine pas. Être mort, après tout, c'est un état comme un autre. Il y a de la ressource dans tous les états. Ce n'est qu'une habitude à prendre, frère. Et qui sait, on a peut-être de bons moments. Tournoël regardait avec admiration son compagnon, et il se demandait pourquoi cet autre Gascon, aussi fertile, aussi loquace que Pélussin, ne gouvernait pas les hommes comme le député toulousain. Louis conclut que le brave Émile manquait de cette industrie dans les moyens de nuire, où les hommes reconnaissent leur maître naturel. « Pour mes débuts, reprit Moucheron, M. Robinson m'emmène avec lui en Égypte. »« Robinson va en Égypte ? » fit l'officier. « Plus loin encore, dans le bas de la mer Rouge, sur les côtes du Yémen. » Il doit y inspecter les îlots de Farsan, choisir un de ces rochers pour y installer un dépôt de charbon à l'usage des bâtiments de l'UST. On lui en propose un. La vente est consentie en principe à Constantinople, mais Robinson ne se décide qu'après avoir vu. C'est pourquoi il revient en Europe et va se transporter en Afrique. Entre nous, je le crois attiré là-bas par de plus vastes projets. Cette régularisation des eaux du Nil, depuis les sources du fleuve, depuis les grands lacs, ce travail gigantesque dont on parle et qui doit mettre en valeur tout le Soudan. J'ai idée que Robinson n'en veut laisser à nul autre la gloire et le profit. Il aurait donc abandonné ses vues sur le Tchad, sur le Wadaï? Pas que je sache, au contraire, tout cela se tient. Le front d'Émile se rembrunit un instant. Ah, mon capitaine, quel malheur que vous ne vouliez pas vous entendre avec lui. Vous savez bien que je ne le peux pas, mon bon Moucheron. Votre Robinson veut me déguiser en commis de l'UST et nous subtiliser notre bien. Le diable n'est pas si noir que vous le faites. Quand l'autre ne l'aguiche pas, l'autre, le borgne, son grand toquet d'amis, je ne le connais pas, mais j'ai fait causer le candide Joey en le grisant un peu. Il y a de par le monde une espèce d'anglais visionnaire qui circonvient Robinson, lui écrit sans cesse, le suggestionne. Au dire de Joey, c'est le seul homme qui ait su prendre de l'influence sur le maître de la mer, qui le fasse parfois déraisonner. Laissé à sa propre jugeote, le patron est équitable, je vous assure, il ne veut de mal à personne. Il ne veut que gagner de l'argent, beaucoup d'argent, comme nous tous, mon Dieu. Et il faut bien le gagner aux dépens de quelqu'un. Pas aux dépens de mon droit et de ma dignité, dit Tournoël. Vous êtes peut-être trop scrupuleux, mon capitaine. Vous étiez si bien fait pour vous entendre tous deux. et tout finit par s'arranger, je vous dis. Ah, quel dommage! D'autant plus que Robinson se lasse d'attendre. Je crains qu'il n'ait déjà fait choix d'un autre instrument pour exécuter ses projets. Un ancien officier de la Légion étrangère, son nom ne me revient pas. Un Olybrius, qui a couru le monde, tâté de tous les métiers, même de l'exploration. Je l'ai entrevu dans l'antichambre du patron. Il marque mal. Un gaillard à qui je ne me fierai pas. Mais poinceau, paraît-il, bon à toutes les besognes. Je sais qu'il viendra nous rejoindre en Égypte. Pour l'îlot de la mer Rouge ou pour organiser quelque chose au Wadaï? Je suis préparé à toutes les surprises désagréables, dit stoïquement l'officier. Je n'attends plus autre chose de mon Afrique. Et quand partez-vous? Demain. Aussi étais-je pressé de vous voir. Après-demain, nous avons tous rendez-vous à Marseille sur le Neptune. Qui tous? Mais les invités de Robinson. La bonne duchesse, ses amis, vous ne savez donc rien? Il leur offre galamment cette croisière sur son yacht. Elles passeront 2 ou 3 semaines au Caire, tandis qu'il ira reconnaître les îlots de la mer Rouge et s'occupera de ses affaires. La duchesse de Lovrin, dites-vous? Ses amis? Et... Tournoel se mordit les lèvres, retint la question. Le nom qui allait s'en échapper. Il souhaita un bon voyage à l'heureux boucheron et regagna son hôtel. Toutes ces nouvelles qu'il venait d'apprendre tournoyaient en désordre comme un vol de corneille annonciatrice de malheur. Il trouva sur sa table une lettre renvoyée d'Amballe, de celle dont le cœur devine la provenance avant même que les yeux n'en aient vu l'écriture. Il l'ouvrit précipitamment et lut. Que dira mon ami de ce qui m'arrive? J'ai peur, vous allez m'en vouloir. On vient de recevoir ici une invitation pressante de M. Robinson. Oh, ce nom vous irrite. Je vous vois, vos yeux sévères, vos yeux de fâcherie. Il offre à Peg de l'emmener sur son yacht, en Égypte, pour quelques semaines, elle et tout son monde. Les banleuses, moi. On a décidé sur l'heure d'accepter la proposition. On part dans 3 jours. Cela s'est fait si vite à l'américaine. On s'ennuyait ici, dans ces bois où j'ai toute ma vie. Des oiseaux d'automne y passent, ceux dont parle mon poète. Cantando l'orlai, facendo in aer di se lunga riga. Ils doivent venir de chez vous. Leur lettre triste me redit votre nom. Pourquoi s'en vont-ils si rapides comme vous? Je voulais rester. J'ai supplié Peg de me laisser. Elle dit que ce serait insensé, que je me consumerais de chagrin seul ici. Croit-elle donc que ce compagnon ne me suivra pas? Il ne me quittera pas plus que votre souvenir, puisqu'il en est l'ombre. Je voulais me défendre avec ma pauvreté. Je n'ai pas de quoi voyager. Je n'ai plus que les petites robes toutes simples, celles qui vous plaisaient, parce que j'y suis plus moi, disaient vos yeux qui les aimaient. On m'a fermé la bouche. Nous sommes invités sur ce bateau. Nos logements sont déjà retenus là-bas. Tout est prévu. Tout nous est offert. L'indiscrétion serait de rester. José ne sera plus habitable. On envoie tout le personnel à Paris. On ferme le château. Que pouvais-je faire? Je suis la chose des autres. Une dame de compagnie sous le nom d'ami. On m'emmène où l'on va. Comprenez de grâce. On m'emmène, mais je suis gardé par vous. Sur la mer, les vagues bleues, miroirs déserts, ne reflètent que les images du ciel. Je n'y verrai que votre image. J'y regretterai notre petit vivier. Vous me l'aviez fait océan. Voit-on déjà d'autres étoiles sous le ciel où je vais? Je ne veux pas les voir, s'ils vous sont cachés. Ayez foi en moi. Ne m'en veuillez pas, ne soyez pas dur. C'est assez cruel d'aller sans vous dans votre Afrique, votre autre aimée, la mieux aimée peut-être. Oh, si je pouvais vous y retrouver, vous, son maître et le mien. Je voudrais vous la donner tout entière. Je voudrais vous donner tout entière chaque chose que vous aimez. M'entendez-vous, ami? Votre Millicent. Ce que fut dans l'âme de Tournoel, le travail de cette journée, on le devine sans peine. Que signifiait cette conjuration mystérieuse de forces contraires, et qui le tirait pourtant dans le même sens, qui l'appelait là où tous le poussaient? Qu'un Pélussin lui eût fait ce même jour sa proposition dérisoire, qu'elle devint providentielle pour des raisons ignorées de ce mauvais plaisant, n'était-ce pas le signe d'une claire volonté du destin? L'idée jugée si ridicule le matin, Louis s'efforçait maintenant d'y trouver des justifications spécieuses. Honteux de ce subterfuge, il y renonça bientôt. Qu'avait-il besoin de se donner des prétextes? Provoqué sur un nouveau terrain de combat, il devait y aller lutter contre des menées obliques et pour son amour. On lui en offrait les moyens, il les fallait saisir. Trop d'angoisse l'étreignait à la fois, après les révélations de Moucheron, après la lecture de cette lettre. Le plus vaillant marin ne gouverne pas contre un cyclone, il tâche de se tenir au centre et se laisse emporter. Le lendemain, à la première heure, Tournoel était de nouveau dans l'antichambre du ministre. Introduit dans le cabinet, il dit froidement, du seuil de la pièce, « J'ai réfléchi, j'accepte la mission que vous me confiez. Puisqu'il y a urgence, veuillez me faire délivrer sans retard mes instructions, et je pars. » C'était maintenant Pélussin qui ne comprenait plus. Son regard incertain ne chercha même pas à cacher une surprise inquiète. Surprise d'un oiseleur qui verrait une alouette lui rapporter son impôt. Méfiant, il se demandait si son piège ne se retournait pas contre lui, et de quelle façon. Il retrouva bientôt sa faconde, feignit le contentement. « Eh, je savais bien que vous goûteriez mon idée. Elles ne sont pas si mauvaises, mes idées. Allons, je vais faire ordonner votre crédit et libeller vos instructions. Mais au fait, pas d'instructions écrites, mission secrète. Et que vous en dirai-je de plus? Vous m'avez compris. Vous savez mieux que personne comment il faut manier ces gens-là, ce que nous voulons tirer d'eux. Surtout, prenez votre temps. J'écris à la guerre pour régulariser votre situation. Ah, voilà une bonne affaire. » Et un bon débarras, murmura-t-il à mi-voix, tandis que ce héros incommode sortait du cabinet. Le jeudi suivant, Tournoel embarquait sur le courrier d'Alexandrie. En traversant le hangar des messageries maritimes, il avisa un vieux garde du port. « N'aviez-vous pas ces jours derniers un grand yacht américain, le Neptune? Il a déjà pris la mer, n'est-ce pas? S'il l'a prise, bonne vierge, il l'a dévorée. Il n'avait pas doublé Pomègue qu'il filait déjà ses 20 nœuds. C'est un bateau. Depuis 4 jours qu'il court, je vous réponds qu'il est loin. » Louis monta sur le pont du paquebot. « On ne part donc pas ?» répétait-il, et ses yeux interrogeaient le large, comme s'ils espéraient y découvrir une vision disparue, descendue sous l'orbe horizontale de la mer.